Mettons psychose. Étrange comme certains phénomènes peuvent se produire autour d'un décès, sans explication rationnelle. En 1979, à Houdan, tout de suite après la mort du père de Maxime, un merle est entré dans le garage. Il y est resté plusieurs jours. Angèle a toujours été persuadée que c'était son mari, venu lui dire au revoir sous cette forme. Le mois d'octobre 1985 à Saint-Rémy est certainement le plus ensoleillé de la décennie, d'après Faustine. Devant la maison, le parterre de rosiers déborde de fleurs. Un petit lapin blanc, totalement inconnu dans le quartier, s'invite au numéro 2 un matin. Faustine l'associe aussitôt à une visite de Julien. L'animal est attentif quand elle s'approche de lui et tente de lui parler. Il bouge ses oreilles, pépine du museau, puis, tranquillement, poursuit son chemin, disparaissant sous la haie de laurier. Faustine fait le tour du quartier, frappant à toutes les portes. Elle voudrait savoir s'il s'agit d'un fugitif. Presque tout le monde étant au travail, elle obtient peu de réponses. Mais on dirait bien qu'il n'est pas d'ici. Il revient chaque jour, pendant quelque temps, puis disparaît, définitivement. Le lundi suivant l'enterrement de Julien, Faustine, incapable de rester seule entre ses quatre murs, accompagne Maxime au bureau. Elle trouvera bien quelque chose à faire, ne serait-ce qu'un nouveau CV en français. Elle s'y emploie une grande partie de la journée. Maxime, débordé, doit travailler tard. Faustine ressent soudain, comme une urgence, le besoin d'écrire un poème. Elle s'inspire d'une phrase de Serge Lama, son chanteur préféré du moment, qui sait si bien chanter l'absence. Dans la chambre où traînent tes jouets, on reste là, tout bête, avec papa. C'est vide, tu sais, la maison sans toi. Maintenant, pour faire mes confitures, qui sait qui m'aidera? 11 mois de vacances. 11 mois où on t'a voulu heureux tous les jours. Mais un petit jeune avait décidé. Et il t'a bien fallu nous quitter. On ne peut pas toujours jouer. Chaque fois que tu nous manqueras tellement qu'on ne pourra s'empêcher de pleurer, on pensera à ton sourire coquin, à tes réveils si joyeux le matin. Et surtout, oh surtout, comme tu as su nous apprendre à aimer. Sois sage là-haut, mon bébé, avec tes copains les anges. N'oublie pas de téléphoner avec ton jouet préféré. Et nous, on va continuer à apprendre tout ce que tu savais déjà. Et puis, quand on saura, on viendra te retrouver. Maxime, intrigué, vient voir ce que fait sa femme. Sans un mot, elle lui donne son écrit. Il le lit. Les larmes coulent sur ses joues. Demain, nous passerons chez l'imprimeur. J'ai choisi la plus belle de ses photos. Nous la ferons reproduire et la collerons sur le faire-part. En fin de semaine, Faustine reçoit un appel. Les cartes sont prêtes à l'imprimerie de Chevreuse. « Voici votre commande, annonce la secrétaire. Je me suis permis de modifier le numéro de téléphone puisque nous passerons à la numérotation à 8 chiffres fin octobre. »« Vous avez bien fait. Merci beaucoup pour tout ce travail. » Pour toute réponse, la secrétaire prend Faustine dans ses bras et l'embrasse sur les deux joues. Elle a les yeux humides. Les jours suivants se passent à mettre les cartes sous enveloppe et à les envoyer. À Lausanne, sitôt que maman reçoit son faire-part, elle saute sur le téléphone. « Bonjour ma chérie, comment vas-tu ? » « Mauvaise question. »« J'ai reçu ta carte. Ce n'est pas toi qui as écrit ça, dis-moi. »« Si, pourquoi ?» Pour rien. Tu les as déjà tous envoyés ? » ?»« Bien sûr. » »« Je vois. » »« Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Qu'est-ce que tu dirais si nous venions vous voir au Nouvel An avec papa ?»« Pourquoi pas ? Vous êtes les bienvenus, tu le sais bien. » »« Alors c'est entendu, je te rappellerai pour les détails. » »« À bientôt. » »« D'accord, à bientôt. » »« Bon courage, ma chérie. Je t'embrasse. » En raccrochant, Faustine se sent une fois de plus coupable. Elle connaît suffisamment sa chère maman dont elle a essuyé tant de fois les marques de mépris. À tous les coups, elle doit penser que Faustine utilise la perte de son fils pour se mettre en avant, sans mentionner ses pathétiques velléités d'écriture et de la pseudo-poésie par-dessus le marché, Mais pour qui se prend-elle avec ces clichés tire-larmes? Non, non, non, un peu de dignité, qu'au diable. On garde son chagrin pour soi, on ne le distribue pas à tout va. Ça ne se fait pas, c'est tout. Il faut bien que l'orgueil serve à quelque chose. Rien de tout cela n'est exprimé, loin s'en faut, mais Faustine l'entend comme si elle était dans la tête de sa génitrice. Elle n'ose plus montrer sa détresse, ni se confier à ses amis, même si le couple reçoit d'innombrables marques de sympathie suite à l'envoi des cartes. La jeune femme a trop peur de sombrer dans le pathos. Paradoxalement, tous les gens qu'elle croise affirment qu'il n'existe pas pire épreuve que de perdre un enfant. Hélène, l'ex-femme de Maxime, téléphone un matin. Elle souhaite lui parler personnellement. « Je voulais juste vous dire que je compatis à votre peine et que je vous pardonne. Personne ne mérite ce qui vous arrive. »« Merci, » murmure Faustine qui raccroche, hébétée. Chacun est différent devant la mort. Avec du recul, il est intéressant de voir comment l'humain tente de survivre aux chocs les plus violents de sa vie. On croit mourir soi-même, et puis non. Le jour se lève et tout continue. Passer le temps des messages compatissants, ce qui surprend le plus est de constater à quel point la mort reste un sujet tabou dans nos sociétés occidentales et combien ce drame vous sépare des autres comme une barrière infranchissable. Il y a pourtant tellement à dire. Julien n'était pas juste un mort en devenir. Il a d'abord été vivant, drôle, coquin, aimable, même si son passage sur terre fut court. Il n'est pas question pour Faustine de l'oblitérer. Maman a beau dire, vu son état, partir le plus vite possible était ce qui pouvait lui arriver de mieux. Oublie-le, n'en parlons plus. Faustine n'est pas d'accord. Ses souvenirs, elle y tient. Elle avait déjà remarqué chez les personnes ayant perdu un être cher. À quel point il leur était bénéfique de l'évoquer. Pourquoi s'en priver? Est-ce que ce n'est pas cela, justement, la vie éternelle que nous vante la Bible? Mais le sentiment de solitude est immense. Pour ne pas tomber en dépression, Faustine s'anesthésie comme elle peut, se noie dans les tâches ménagères et la chaleur de l'alcool. Elle commence par rendre le lit en fer forgé à son voisin libidineux, dispose les petits habits dans une malle en osier et offre Baby Relax et Lando à Emmaüs. Chez eux, Faustine s'est acheté un coffret en bois dans lequel elle a serré les affaires les plus précieuses de son bébé, son bonnet de naissance ainsi que le bracelet de l'hôpital, sa première lolette, la seconde c'est Laurie qui la gardait, son passeport américain, son certificat comportant l'empreinte des petits pieds. Elle porte toujours le médaillon offert par Laurie dans lequel elle a collé à côté de la photo miniature de Julien une boucle de ses cheveux. Après avoir retourné les appareils de soins, Faustine a transformé la chambre de son fils en bureau. Sa manière à elle de rester en symbiose. Elle a dégoté une machine à écrire d'occasion, déposé une planche sur deux tréteaux derrière une chaise et acheté du papier. Elle écrira à Julien une lettre qui deviendra un livre. L'écriture lui permettra de garder le lien, d'atténuer la peine. Du 1er novembre au 6 décembre, Maxime et Faustine se rendent aux USA. Le jour du départ, le couple emprunte le RER pour se rendre à Roissy. Le train passe devant la fenêtre de la chambre dans laquelle Julien a terminé sa courte vie. Une fois encore, les vannes s'ouvrent. Faustine serait bien en peine de dire ce qui s'est passé pendant ce mois aux États-Unis. Chez qui elle a logé, qui elle a vu, ce qu'ils ont fait. Pour elle, ce ne fut qu'un trou noir, un long tunnel sans lumière au bout, noyé dans l'alcool. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle se laisse trimballer par Colline, la femme du patron, à droite et à gauche, et que cette dernière lui a demandé de traduire son poème en anglais, ce qu'elle a accepté. Elle a aussi reçu pour mission de traduire la nouvelle brochure technique destinée aux étudiants français. Mais elle n'était pas vraiment à son affaire, et Maxime a dû tout recommencer, après l'avoir copieusement engueulée. Et il ne faudrait pas boire. À Paris, Faustine retombe dans son marasme. Quand elle ne remplit pas des cahiers ou des pages de doléances, Elle s'enferme dans le noir à écluser n'importe quel alcool fort et à écouter Jacques Brel ou Serge Lama en boucle, ou pire, Michel Sardou et son poignant « Un enfant de toi ». Maxime, à bout de patience, la dure de retravailler. Il craint pour sa santé mentale et sait que c'est la seule chose qui pourrait la sauver, lui éviter de s'enfoncer définitivement. Il a raison, mais Faustine n'est pas prête. Le verre à la main, elle l'envoie paître sans ménagement. Comme d'habitude, à force de la culpabiliser, il finit par la convaincre. Faustine téléphone à Sylvie. Hélas, cette dernière n'a que des postes fixes à proposer ou des missions courtes pour lesquelles une voiture est indispensable. Faustine les refuse tous. Outre qu'elle n'est pas motorisée, elle est terrorisée à l'idée de rester seule à Saint-Rémy en janvier, lorsque Maxime et son orchestre joueront aux Arcs. Faustine voudrait qu'il lui procure une petite auto. La zone industrielle des Ulysses n'est pas loin, celle de Vélizy-Villacoublay non plus. Elle est sûre d'y trouver un poste fixe. Or, Maxime refuse obstinément de collectionner les véhicules, avec ce que ça comporte d'inconvénients et de frais. Point barre. Faustine ne comprend pas. Il exige qu'elle travaille et rapporte de l'argent, mais ne fait rien pour lui faciliter la vie. Il l'oblige à subir 2 heures de transport par jour pour se rendre à Paris, alors qu'il saurait parfaitement entretenir une petite voiture d'occasion qui lui permettrait de travailler à 2 pas de chez eux. À bout d'arguments, elle cesse d'en parler. Pour fuir la période des fêtes de Noël et ses douloureux souvenirs, Maxime propose un week-end à Honfleur. Ils prennent la route par un samedi matin radieux. À l'arrivée, laissant les bagages à l'hôtel, ils se baladent jusqu'à la plage du Butin. Là, avec les lumières et les grues du Havre en arrière-plan, Maxime tente de convaincre Faustine de ne pas jeter l'éponge. Il n'est pas question d'oublier Julien, mais pourquoi ne pas tenter leur chance à nouveau? Cette fois, c'est lui qui insiste. Il sait que Faustine sera une maman merveilleuse, et puisque c'est la seule chose qui lui permet de s'épanouir, il veut tout mettre en œuvre pour la satisfaire. Sur le moment, Faustine est vraiment confuse. Elle n'est absolument pas en état de réfléchir posément. Et si tout recommençait? Ils nous ont parlé d'une probabilité sur 4 pour que notre enfant soit atteint de myopathie. Cela signifie qu'il y en a 3 que ça ne soit pas le cas. Peut-être. Mais je voudrais en être certaine. Je ne crois pas que je survivrai 2 fois à la même épreuve. On ne peut pas laisser ça au petit bonheur la chance. C'est trop cruel pour nous et pour l'enfant. Alors je vais me renseigner. Dès notre retour, j'appellerai l'Association des myopathes de France. On s'inscrira à leur prochaine réunion.